Vendredi 15 novembre, il est 17h30, vous êtes à l'écoute de La Vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour parler du 9e art. Et avec un regard tout particulier cette semaine, puisque vous avez peut-être vu ça passer si vous suivez un peu l'actualité BD. Il y a eu lancement successif Montréal puis Québec un peu plus tôt cette semaine des deux nouveaux titres de la maison d'édition mécanique générale, Love Apocalypse de Philippe Girard et Non-Aventure de Jimmy Beaulieu. C'est un peu la renaissance, le retour peut-être de mécanique générale après avoir connu des années peut-être un peu plus subtiles, un peu plus tranquilles. Donc quelques titres évidemment, mais très très peu. Et là on nous revient en force avec deux très beaux titres, il faut le dire d'ailleurs d'emblée. Et bien on va creuser un peu autour des titres et autour également de la maison d'édition. Alors il y aura dans quelques instants Renaud Plante qui sera avec nous pour justement parler de ce Mécanique Générale 2.0 et également on va porter attention aux deux titres. Donc il y aura Philippe Girard qui sera avec nous dans une quinzaine de minutes pour parler de Love Apocalypse, et en deuxième partie d'émission on aura le plaisir de discuter avec Jimmy Beaulieu donc de ses non-aventures, mais également avec un petit clin d'œil vers son autre titre qu'il nous a offert un peu plus tôt cet automne, Le Potager de Vic et Flo. Et également, sinon, en fin d'émission, on aura le plaisir de discuter avec Stéphane Gravel pour ses commentaires BD de la semaine. Sinon, dans l'actualité BD, petit clin d'œil, en fait, vous avez peut-être vu passer, il y a quelques semaines, donc sortie du 9e tome de la série Murena. Donc en Europe, ça fait quelques mois déjà que c'est arrivé, c'est en juin 2013. Et nous dit-on, en fait, les 100 000 exemplaires de cet album n'étaient pas entièrement complets. Il manquait en réalité une planche et demie montrant une scène de sexe, selon le scénariste Jean Dufaux, une scène de sexe sensuelle, pas du tout pornographique, entre deux femmes et un homme. Et donc, cette scène avait été jugée trop provocante, trop osée pour le grand public et le marché international d'argot, notant notamment que la série populaire était lue par des adolescents vendus dans les grandes surfaces. Et finalement, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que les adultes consentants auront finalement droit à leur récit complet tiré à 6000 exemplaires du côté de l'Europe. Donc ça sortira prochainement, là, mi-novembre, donc on est pas mal là-dedans. Et il y aura donc une édition spéciale qui accompagnera ce lancement. Est-ce qu'on aura cette édition spéciale également du côté du Québec? Ben, la question peut toujours se poser. Et sinon, autre série qui s'en vient, Torgal, 34e album K. Aniel. Je le mentionne pourquoi? Parce que je trouvais intéressant, en fait, le lancement est accompagné d'une application pour iPhone et iPad gratuite et téléchargeable qui propose des contenus inédits sur le principe de la réalité augmentée. Donc, bon, selon votre définition de la réalité augmentée, évidemment, donc on propose des entrevues, des crayonnés, des esquisses, des pages ancrées, des objets 3D, notamment des portraits de personnages, des fiches, donc vraiment une espèce d'accompagnement donc de cet album via les nouveaux médiums, donc via les applications. Alors, est-ce que ça connaîtra un certain succès? Ce serait intéressant de suivre. Évidemment, si ça connaît effectivement un certain succès, mais peut-être que c'est le genre de compagnon, entre guillemets, qu'on va trouver pour d'autres albums, pour d'autres séries à succès au fil des années. Alors, c'est peut-être un peu pour ça qu'on le laisse dans nos dossiers à suivre. Et toujours à la vie en BD, évidemment, poursuit nos explorations en saveur 8 bits côté musique, côté sélection musicale. L'album qui nous accompagnera au fil de cette émission et c'est Punk Goes 8-Bit Level 2. Et vous venez d'entendre un petit extrait de The Lillingtons, All I Hear Is Static, en version 8-Bit, évidemment. Alors, comme on en a mentionné à l'introduction de l'émission, eh bien, on porte une attention toute particulière à Mécanique Générale et à ce double lancement auquel on a eu droit au début du mois. Et pour parler peut-être de ce retour sur la glace de Mécanique Générale, on est en compagnie de l'éditeur Renaud Plante. Bonjour. Bonjour. Et justement, peut-être le contexte un peu du retour de Mécanique Générale s'inscrit un peu dans une restructuration qui avait eu au 400 coups. Je crois que c'est en début d'année. Vous étiez déjà d'ailleurs au 400 coups, je crois. Et finalement, vous êtes passé d'un éditeur jeunesse au 400 coups à l'éditeur, donc BD de Mécanique Générale. Comment un peu la transition s'est passée et le changement aussi de propriétaire, évidemment, de Mécanique Générale? Les 400 coups étaient à vendre et il y a quelqu'un qui s'était montré intéressé à acheter le volet jeunesse. Nous, on était un groupe de trois des 400 coups qui avaient envie de continuer l'aventure de littérature adulte, donc et aussi du même coup, donc de Mécanique Générale. Donc, on a décidé de démarrer autre chose et de reprendre le catalogue bande dessinée et adulte des 400 coups. Oui, on voyait qu'il y avait, j'imagine, un potentiel à pérenniser ce catalogue, à continuer de le développer aussi. Ben oui, mais en fait, moi, j'étais là, j'étais au 400 coups en 2006, quand Jimmy dirigeait Mécanique Générale à l'époque. Donc, je le côtoyais quand même régulièrement. Et moi, comme lecteur de bande dessinée, c'est le type de bande dessinée que j'aime et que j'aimais et que en cours de route, les anciens propriétaires, eux, croyaient un peu moins à ce type de bande dessinée-là. Et ça me faisait beaucoup de peine de voir le peu de publications qu'il y avait. Donc, quand on a eu la chance de pouvoir reprendre Mécanique Générale, mais à ce moment-là, c'était un peu un no-brainer, dans le sens qu'il fallait à tout prix poursuivre l'aventure et remettre cette maison-là un peu à l'avant-plan. Et j'imagine que c'est un défi différent, parce que vous auriez très bien pu aussi dire, ben OK, on est trois, on démarre un grounds up, une nouvelle maison d'édition, mais non, vous avez plutôt choisi de poursuivre avec cette maison-là, de la relancer. Est-ce que c'est parce que on percevait que c'est un défi peut-être un peu plus réalisable ou qu'il y avait un potentiel plus grand à poursuivre, justement, avec le nom Mécanique Générale et avec le catalogue Mécanique Générale? Ben, en fait, l'idée, c'était de poursuivre... C'est pas un choix d'affaires, c'était vraiment juste de poursuivre et de maintenir en vie les titres qui étaient là. Il y a des titres formidables. Moi, je me rappelle quand Jimmy avait publié à l'époque Nicolas de Pascal Girard, pour moi, ça c'était un livre très très fort. Là, donc, l'idée, c'était de poursuivre avec le catalogue qui était en place, les titres qui étaient là, les auteurs aussi. Par exemple, Philippe Girard avait publié déjà chez Mécanique Générale, Jimmy aussi, évidemment, et du coup, quand j'ai repris ça, le premier défi, c'était de remettre à l'avant-scène le travail de Jimmy. Donc, il y avait le moral des troupes et quelques pelures qui étaient épuisées. Donc, la première idée, c'était remettre sur les rails Mécanique Générale en lançant une intégrale de l'œuvre autobiographique de Jimmy. Oui, en fait, c'est un peu comme ça que je l'ai reçu. Enfin, en voyant ça arriver, en voyant aussi que vous aviez choisi d'y aller avec Philippe comme deuxième autre volume pour ce retour, je percevais un peu qu'on voulait vraiment indiquer la continuité, si on peut dire, malgré le changement de propriétaire, malgré le renouveau, si on peut dire, mais ça reste un renouveau ancré dans l'héritage de cette maison-là. Ben oui, parce que comme je disais tantôt, c'est sûr que pour moi c'est important, puis c'est des auteurs importants de la bande dessinée d'ici, là, ça, et même au-delà, là, que Jimmy et Philippe. Donc, comme je disais, de relancer ça avec Jimmy, bon, c'était le désir premier. Après ça, les beaux hasards de la vie font que Philippe a entendu parler du renouveau de Mécanique Générale, puis il m'a approché avec un projet qui était complètement en ballant. Donc, c'était un beau hasard, mais encore d'autant plus intéressant pour la relance de la maison, de pouvoir relancer ça avec ces deux titres et ces deux auteurs-là. Et est-ce que ces deux titres, en fait, si on essaie de voir un peu de manière prospective, comment ça va continuer de se construire au fil peut-être de l'année à venir et des années à venir, est-ce que ces deux titres sont assez représentatifs de ce que vous allez chercher à mettre de l'avant avec Mécanique Générale ou est-ce qu'on va aller chercher un inventaire très peut-être encore plus large côté proposition, côté collaboration, etc.? Ben, je dirais, moi, j'aimais beaucoup ce que Jimmy faisait à l'époque. Donc, c'est sûr que ça s'inscrit un peu dans une continuité, mais après ça, c'est sûr que, bon, Jimmy avait sa sensibilité, j'ai la mienne. Je pense que ces deux livres-là indiquent très bien la direction qu'on va prendre. Il va avoir parfois des expérimentations, d'autres fois des projets plus narratifs, des fois plus humoristiques, mais je pense que qu'est-ce que je veux privilégier, c'est la voix des auteurs, c'est des auteurs qui ont quelque chose à dire, qui ont un style, qui ont vraiment une plume propre à eux. Donc ça, je te dirais, c'est qu'est-ce qui va marquer, teinter le nouveau Mécanique Générale. Donc, ça s'assurait vraiment, en fait, de laisser le plus possible un terrain de jeu libre, ouvert aux auteurs, donc de pas donner de contraintes, de les accompagner, mais pas de forcer, si on peut dire, un contenu. Ah, du tout. En fait, évidemment, un coup, on travaille ensemble, mm-hmm. on s'assure de faire le meilleur livre possible, mais le désir, c'est de que les auteurs s'expriment complètement. Et comment on a l'impression que Mécanique Générale va se placer dans l'écosystème qui a quand même pas mal évolué depuis 2004, et on en parlait avec d'autres éditeurs aussi depuis quand même bien longtemps. Bon, via La Pastèque, via Papa, La Mauvaise Tête, il y a quand même un écosystème beaucoup plus riche qu'en 2004. Ouais. Et donc, comment on va réussir à faire sa place, à faire sa marque et à se distinguer peut-être de l'offre qui est déjà présente? Ben, ça, c'est une très bonne question. Non, mais en fait, c'est que chacun, tu sais, chaque directeur de ces maisons-là, que ce soit Luc Bossé chez Papa, et les autres, je veux dire, chacun a sa vision de la bande dessinée, sa propre sensibilité. Je pense que c'est, tu sais, nous, on est dans l'ombre, on est les éditeurs, mais je veux dire, après ça, on repêche certains projets qui arrivent, qu'on voit à l'image de notre maison. Donc, tu sais, ça se dicte un peu. Évidemment, j'ai la vision de ce que je veux faire, mais ça se dicte un peu avec le temps. Évidemment, là, il y a les deux premiers livres qui sont là, qui, je crois, montrent, bon, oui, un retour vers les auteurs qui étaient là, ou les deux fondateurs, en fait, de la maison. Mais je pense que dans les deux cas, il y a un beau regard sur notre société, et c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Mais je pense que, pour revenir à la question, il y a de la place, il y a un intérêt pour la bande dessinée qui est grandissant, et je pense qu'il y a de la place là pour tous les éditeurs qui sont là en ce moment. Là, ça, c'est, y a pas de doute. C'est dans la mesure, justement, où on offre un produit de qualité, il y a des gens qui ont envie d'en avoir, d'en trouver. Et à la limite, c'est juste bénéfique pour la BD québécoise aussi, qui s'enrichit au fil des possibilités de publication. Exactement, c'est ça. Puis, tu sais, chacun de notre côté, on croit aux livres qu'on publie, donc on va les défendre sur différents réseaux, on va dans les festivals, on rencontre les lecteurs, et ça, c'est que positif, et ça fait grandir le lectorat aussi. Et Renaud Plante, en fait, on a parlé un peu, on a mentionné au départ que vous étiez plus éditeur jeunesse, maintenant vous êtes devenu éditeur BD. Est-ce que la dynamique est différente? Est-ce que l'esprit du travail d'éditeur change quand on change de type de médium, si on peut dire? Je dirais du tout. Dans ça, c'est sûr que c'est des textes qui sont différents, mais je veux dire, moi, je viens du cinéma, en fait, je continue à en faire aussi. Je veux dire, à la base, c'est de travailler un texte. Et de travailler les images, en fond, parallèlement, c'est le rapport texte et image. Donc, je dirais que, bon, l'album jeunesse, c'est un public pour un public plus jeune, mais je veux dire, l'exercice est très similaire. Et en fait, on revient un peu aux notions un peu d'instinct, d'accompagnement, de travail pour que le produit, pour que le métissage, pour que la résultante, soit satisfaisante un peu pour tout le monde, au profit du lecteur, évidemment, au bout de tout ça. Exactement. Est-ce que sans nécessairement vous voler des punchs et le reste, mais est-ce qu'on a déjà un agenda quand même assez placé quand on est arrivé, j'imagine, on a choisi de lancer, on est arrivé en novembre, est-ce qu'on a déjà un agenda de sortie quand même assez précis pour 2014, par exemple, si on reste sur le court terme? Oui, complètement. À l'automne, au printemps, pardon, on veut avoir deux titres par saison. Okay. Donc autour de entre 4 et 6 par année. Là. Mais au printemps, il va y avoir deux nouveaux projets de deux auteurs qui vont publier leur première bande dessinée. Parce que je trouve que c'est important de continuer à travailler avec des auteurs établis, mais aussi de continuer à développer des jeunes auteurs qui ont des jeunes talents. Donc on a un projet avec un illustrateur qui s'appelle Guillaume Perrault, qui signe sa première bande dessinée qui s'appelle Cumulus, qui va paraître autour du mois de mars. Mm-hmm. Et on a C'est pas facile d'être une fille de Estelle Bachelard qui va sortir au mois d'avril là, autour du festival de bande dessinée là, de la ville de Québec. Là. Alors ben, on aura l'occasion donc de replonger dans l'univers mécanique général dans cette période. D'ici là, ben évidemment les deux titres qu'on a mentionnés, Love Apocalypse et N'Aventure. Renaud Plante, éditeur, merci. Bien, merci. À la prochaine. Oui. Alors ben voilà, donc Renaud Plante, éditeur de Mécanique Générale. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD. Et toujours en musique, Punk Goes 8-Bit, ici sur les ondes du 89.1 CKRL. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez suivre La Vie en BD via quelques blogs, notamment voir.ca/Raymond-Poirier pour mon blog personnel. Et pour trouver l'émission en podcast, c'est possible également via lavieenbd.wordpress.com. Alors, on parlait il y a quelques instants avec l'éditeur de Mécanique Générale. On a mentionné un de deux titres qu'on va explorer au fil de l'émission. Et donc, ce titre, c'est Love Apocalypse. C'est de Philippe Girard, et l'auteur est avec nous pour en discuter. Philippe, bonjour. Bonjour. Et en fait, nouvel album, tu as choisi de t'intéresser à l'univers des sectes, dans la lignée, là, évidemment, de l'ordre du Temple solaire, avec ce suicide collectif qui avait eu lieu il y a ça plusieurs années. C'est suicide collectif. C'est suicide collectif. Oui. Et qu'est-ce que tu as lancé un peu, Philippe, sur cette piste-là? Ah, c'est un ensemble de facteurs, en fait. Tout a démarré pour moi il y a peut-être 4 ou 5 ans quand j'ai été invité à faire une espèce de présentation dans une bibliothèque municipale à Saint-Casimir, dans Portneuf. Donc, c'était l'hiver. En tout cas, je me rappelle d'être dans ma voiture puis traverser les bancs de neige. Puis en arrivant là-bas, je me suis demandé comment ça se fait que je connaissais ce coin-là alors que j'y avais jamais mis les pieds. Et puis, je me baladais dans les rues. J'étais comme, en tout cas, un peu habité par les paysages de Saint-Casimir. Mais je me disais, voyons, qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Et après ma présentation, bon, je suis rembarqué dans la voiture. Puis, en revenant sur l'autoroute 40, on traverse un pont très, très, très particulier à Saint-Casimir, une espèce de pont de métal. Et là, j'ai flashé. J'ai dit, ah oui, l'ordre du Temple solaire, c'est ici que ça s'est passé. Et puis donc, à partir de ce moment-là, j'ai recommencé à m'intéresser à toute cette saga-là. J'ai trouvé qu'on l'avait oublié très vite, quand même. D'autant plus qu'il y a eu 2 suicides collectifs au Québec, en plus de ceux qui ont eu lieu ailleurs dans le monde. Et considérant le fait qu'on vit dans un pays où il se passe rien quand même, je trouvais ça incroyable qu'on ait évacué ça, notre mémoire collective, aussi vite. J'ai l'impression peut-être un malaise face à ce type d'événement-là, face à ce type de conséquences-là, déjà qu'il y a un malaise face aux sectes en général. Là, c'est... Mais je pense que, en fait, tout ça s'inscrit un peu dans la logique de ce qu'on voit en ce moment. Je regarde là, ce qui se passe à l'Assemblée nationale autour de la Charte des valeurs. Là. J'ai l'impression que vraiment on se raconte des histoires collectivement par rapport à nos croyances religieuses. Si on écoute les politiciens, on a l'impression que le sacré, le spirituel a évacué l'espace communautaire ou en tout cas la vie collective. Mais moi, en réalité, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore qui sont habités par ça. Simplement, c'est l'expression du sacré ou en tout cas l'expression des valeurs spirituelles se fait de manière différente. Aujourd'hui, les gens vivent ça privément. Et c'est les sectes, ça devient très intéressant dans cette optique-là parce que ce sont des gens qui... prennent le plancher beaucoup plus spontanément, avec beaucoup plus de, j'ai envie de dire, avec beaucoup plus d'assurance que, bon, par exemple, monsieur, madame, tout le monde qui a grandi dans la religion catholique, par exemple. Les gens qui vivent dans les grandes religions monothéistes ont tendance à être beaucoup plus discrets par rapport à ça, alors que les gens qui sont dans des sectes, au contraire, occupent l'espace qui est laissé vacant par le retrait, si on veut, des grandes religions. C'est alors, un vide spirituel qu'il faut remplir, qu'on ressent besoin de remplir, mais peut-être un peu maladroitement. Je ne sais pas s'il faut le remplir, mais il y a quelqu'un qui va le remplir. En fait, c'est dans cette optique-là que je trouve ça, on n'a qu'à penser à toutes les autres sectes. Là, on parle de l'OTS ici, mais bon, même ici même dans le centre-ville de Québec, là, il y a certains groupes religieux qui sont installés de façon très voyante et ils sont pas gênés, mm-hmm. si on veut, d'occuper l'espace public. Donc c'est ça. Moi, ça, toutes ces questions-là m'interpellaient beaucoup. Et en plus, dans mon adolescence, à l'été de mes 15 ans ou 16 ans, un peu comme le personnage principal de mon livre, je m'étais intéressé à une fille, donc, à qui j'arrivais pas à parler quand je la voyais dans l'autobus, mais qui était donc inscrite dans une espèce de mouvement charismatique, là, qui était pas une secte religieuse, qui était quelque chose de beaucoup plus soft, si on veut, que ça. Et donc, pendant un été, j'avais eu donc la brillante idée de m'inscrire avec elle, simplement dans l'idée d'être plus proche, puis peut-être de réussir à me mettre en valeur. Et puis, donc, à la fin de mon été, après peut-être 5 ou 6 rencontres, bon, l'école a recommencé, puis moi, je suis sorti de ça, mais ça m'avait donné, si on veut, un point de vue intéressant, mm-hmm. Surtout un point de vue privilégié sur ce qui se passe dans le secret des mouvements religieux. Oui, parce que c'est un peu l'argument par lequel, justement, tu choisis de nous amener dans l'album, dans la mesure où on se retrouve, comme tu disais, avec cet adolescent-là qui... n'est pas une victime comme on l'imagine dans ce type de récit-là, qui est simplement en fait quelqu'un qui cherche l'amour, qui est parfaitement conscient de ce qu'il fait, mais qui décide de faire le saut un peu dans le registre des grandes erreurs d'adolescence. Exact, ouais. Et qui se retrouve un peu dans cet engrenage-là. Tout à fait. Un peu malgré lui, puis un peu en dépit de ce qu'il fait aussi. Et encore une fois, ça, comment dire... le personnage auquel moi je me suis intéressé s'appelle Isaac Keyes. C'est un personnage imaginé, mais dans la vraie histoire de l'OTS qui s'est déroulée donc à Saint-Casimir, là, quand même pas très loin d'ici, il y a réellement une famille Keyes, des Français qui ont émigré au Québec parce que les parents étaient embrigadés dans l'ordre du Temple solaire et qui ont péri dans le suicide collectif. Et moi, ça m'a vraiment sidéré parce que je me suis dit, imaginez-vous 2 secondes là, que vous êtes une petite famille de Français là, qui partent de la France, qui se déracinent dans le fond de la campagne du Québec, pas pour aller faire de la pêche aux poissons des chenaux, là, mais pour embarquer dans une secte religieuse qui veut dématérialiser les corps pour former un nouveau type d'énergie qui va transmuter vers Sirius la planète. En tout cas, là, je me disais, hey, wow, c'est quand même quelque chose d'assez délirant. Alors, c'est ça, j'étais intéressé par le fait de me mettre dans la peau d'un personnage comme ça qui est déraciné à plus d'un point de vue, mm-hmm. et qui doit retomber sur ses pattes parce que tout le monde autour de lui retombe pas sur ses pattes. Sa famille est en déroute. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, comme je disais, c'est pas une victime traditionnelle. Non. Donc, il y a vraiment un regard critique sur ce qui se passe et ça permet à nous, lecteurs, peut-être de mieux se mettre dans ses bottines et d'avoir un rôle d'observateur critique dans le fond de l'action et de ce que lui perçoit comme étant la folie qui l'entoure. Oui, un peu, mais encore une fois, ça, c'est surtout, comment dire, cet engrenage-là ou en fait ce rouage-là de l'histoire, c'est aussi une façon de rendre le livre intéressant. Là. Il faut savoir raconter une bonne histoire, mm-hmm. Au-delà de toutes ces considérations-là. Donc, c'est ce qui m'intéresse toujours aussi, de trouver une manière de raconter un récit auquel on croit puis qui va faire que le lecteur a envie de tourner les pages au fur et à mesure qu'il avance dans le livre. Bon, après ça c'est mon point de vue. D'autres l'auraient sans doute raconté autrement. Oui, ben en fait, faut laisser nos instincts travailler. En même temps, c'est un peu le cas d'ailleurs souvent dans tes bouquins où on dirait qu'on part d'une anecdote personnelle, d'un élément qu'on essaie après ça de voir de quelle manière il pourrait se placer, s'intégrer à l'intérieur d'un récit, parfois fictif, parfois au contraire une fiction mais mm-hmm. documentée. Ouais, c'est vrai. C'est un peu le cas pour tuer Velázquez, c'est un peu le cas pour La mauvaise fille évidemment avec le côté autobiographique biographique de ta grand-mère, Ceci étant dit, c'est vrai, mais la plupart des récits ou des histoires qui sont racontées par n'importe quel auteur partent d'un élément de la vie de l'auteur. J'ai envie de dire que tous les auteurs sont cachés derrière leur personnage de fiction. En fait, même les Spirou, même les Tintin, même les Astérix sont jusqu'à un certain point autobiographiques. C'est juste que si on connaît les auteurs plus qu'à travers leur vie médiatique, si on veut, on réalise que derrière tel voyage d'Astérix au pays des Amérindiens, ben il y avait le rêve de Goscinny, mm-hmm. son rêve d'enfant de visiter l'Amérique, etc., d'être un cowboy. Bon, tout ça, en fait, c'est pas moi qui l'ai inventé. Là, je veux dire, c'est encore une fois, quand on va passer mettons une année ou 2 années dans l'élaboration d'un album de bande dessinée, il faut que la motivation soit assez forte pour qu'on ait le goût de continuer et qu'on se décourage pas en cours de route. Et souvent, une des bonnes façons de demeurer motivé comme ça, c'est d'aller puiser dans ses propres motivations, dans son histoire, sans nécessairement chercher à faire un récit autobiographique ou d'autofiction, si on veut. Exactement, juste se donner une résonance peut-être additionnelle. C'est ça, une résonance qui va durer aussi dans le temps, suffisamment longtemps pour permettre à l'auteur d'achever le projet en cours. Oui, parce qu'en fait, tu disais 2 ans, justement, je pense que c'est à peu près ce que ça t'a pris autour de l'œuvre Apocalypse. Oui. Il faut dire aussi qu'un sujet comme ça, on se lance j'imagine d'emblée, dans une bonne recherche historiographique. Là, il y a toujours de la recherche dans tous mes projets. C'est une étape que j'aime, mais dans le cas de l'Apocalypse, la principale difficulté était surtout technique, parce que bon, j'avais déjà fait des livres en couleur, mais dans celui-là, je voulais que la couleur soit plus soignée, puis bon, En plus, on a eu la chance l'année passée à Québec d'avoir un auteur de Bordeaux en résidence, Jean-Jacques Rouget, qui était coloriste. Il est encore d'ailleurs. Et puis, moi, je m'étais lié d'amitié avec lui. Puis en lui montrant mon projet, il m'a beaucoup aidé, si on veut, à faire ce pas-là vers en avant par rapport à la coloration. Donc, c'est ça, j'ai accepté, si on veut, de prolonger l'étape de travail sur le livre pour sentir que déjà j'améliorais les trucs. Mm-hmm. Là. Et en plus, c'est un récit que j'ai construit de façon assez peu linéaire. En temps normal, je sais toujours d'où ça part, puis où ça se rend, où ça se termine. Dans le cas de l'Apocalypse, à un moment donné, en cours de route, je me suis rendu compte que la fin que j'avais prévue laissait vraiment le lecteur sur son appétit. Là. On a beau vouloir faire une fin ouverte, à un moment donné, il faut quand même sentir que les portes qui sont ouvertes en cours de route se referment, en tout cas, du moins la majorité. Et là, c'était pas le cas. Donc, c'est une des premières fois que ça m'arrive. C'est comme si j'avais construit les récits par morceaux qui sont venus tous se juxtaposer à la fin, mais sans nécessairement les faire dans l'ordre. Et à travers ça, justement, aussi des séquences qui sont très quotidiennes autour de la vie de ton adolescent, de ton personnage principal. Et à l'intérieur de ça aussi, d'autres moments où on est un peu dans l'imaginaire, Isaac, dans le fond, avec la musique, avec la vision, le rêve qu'il a de lui-même. Et ça, on a l'impression que tu t'es laissé aller aussi un peu. Il y a des compositions, des couleurs. Mais encore une fois, là, j'ai puisé dans ma propre adolescence. Donc l'été où moi, c'est ça, je m'étais intéressé à cette fille, cette fille mystérieuse qui faisait partie d'un groupe charismatique. C'est l'été où j'ai découvert la musique rock, où cette espèce de point tournant dans la vie d'un adolescent où il y a une influence extérieure qui vient modeler la personnalité de l'individu. Là. Il y en a pour qui c'est le sport, la littérature, je sais pas, le cinéma. Bon, moi, ça a été la bande dessinée et la musique rock. Donc, j'avais envie d'en parler, en fait, c'est ça. J'avais envie comme de juste d'évoquer le sentiment très puissant que moi, j'ai découvert en découvrant la musique. Pour en découvrir, c'est ça que même la musique, mettons, qui était un peu plus vieille par rapport à celle qu'on écoutait dans ces années-là, était encore bonne et pouvait encore susciter de grandes émotions chez ceux qui l'écoutaient, en fait. Oui, puis même si on fait un pas un peu plus loin, parce qu'on parle quand même beaucoup de spiritualité, au bout du compte, dans l'Apocalypse, et on le voit aussi en quatrième de couverture, c'est l'idée de le rock comme outil de compréhension, de comparaison, de métaphore dans une quête du sens de la vie. Et tu dis en arrière, justement, le rock est une religion comme les autres. Donc C'est que le modèle, l'ascension d'une star du rock, souvent est calqué sur celui de, par exemple, dans le cas des religions que nous, on connaît de Jésus, là. L'ascension de la personne qui part de rien, qui devient très connue, la crucifixion, si on veut, le sacrifice public. On a vu ça souvent. Après ça, le groupe revient, donc c'est la résurrection. On a juste à penser aux Rolling Stones, par exemple. Combien de renaissances et combien de réincarnations, si on veut. Là, c'est un modèle qui est très, très, très populaire, si on s'attarde simplement à la sociologie du rock, si on veut. Là. Mm-hmm. Mais bon, ceci étant dit, je voulais pas me lancer dans une grande analyse sociologique. C'est juste, ça m'est apparu évident, en fait, qu'il y avait un parallèle à faire entre les deux. Là. Oui, puis en même temps, ça tisse, en fait, une espèce de trame parallèle, une espèce d'élément de résonance. Et aussi, dans le fond, j'ai trouvé que ça vient teinter un peu aussi le rapport entre le père et le fils, où finalement ils sont assez loin, mais d'un autre côté ils se rejoignent un peu dans cette appropriation de la musique quand comme ils en parlent, en philosophique. Ouais, c'est ça. Quand ils en parlent, ça devient comme un pont entre les deux. Même si clairement, dans la vie de tous les jours, souvent la musique est un énorme clivage entre les générations. Il y a cette espèce d'intemporalité aussi de certains musiciens, ou en tout cas certains groupes, qui fait qu'à un moment donné, on arrive comme ça, comme parent ou comme adulte, à sentir qu'on connecte avec un adolescent simplement parce que la musique nous a permis de sauter par-dessus la barrière des générations. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc, d'une certaine façon, c'est un livre quotidien sur un drame qui est complètement non quotidien, donc il y a un peu les deux dimensions qui viennent jouer un peu là-dessus avec la musique et le reste, donc c'est un bel exercice d'équilibre aussi peut-être entre toutes ces dimensions-là, le Apocalypse. Ouais, peut-être, mais encore une fois, ça fait partie des éléments que moi j'avais pas vraiment, en tout cas j'ai pas tellement réfléchi à ça au départ. Bien entendu, je voulais juste faire un livre intéressant qui passionnerait le lecteur, je l'espère. Et c'est ça, je trouvais qu'on avait vite oublié ce grand drame quand même qui a marqué l'histoire du Québec, le 2 suicides collectifs quand même. Okay. C'est quand est-ce qu'on voit ça ici, jamais, là? À part un printemps érable aux 50 ans, il se passe rien ici. Donc, je comprends pas comment ça se fait que la télé ou le cinéma n'a pas récupéré l'ordre du temple solaire. Je trouve que c'est un élément marquant de notre paysage historique. Puis c'est ça, j'y ai vu un potentiel littéraire. Et voilà, donc la BD le fait, la BD le reprise. On peut découvrir donc ça chez Mécanique Générale. Donc ça s'appelle Love Apocalypse. C'est de Philippe Girard. Et il y a 20 planches originales exposées à la bibliothèque de Charlebourg jusqu'à la fin de semaine prochaine, si ça vous intéresse. Oui, on invite les gens à aller y faire un tour, à voir en même temps ton travail justement de couleur, entre autres choses. Philippe, on se dit à la prochaine. Merci. Et nous, on prend une courte pause. Au retour, Jimmy Beaulieu. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'Impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Lundi 25 novembre, 20h, au Cercle. Bleu contre rouge, entrée libre. Les soirées de la Ligue québécoise d'Impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeu, musique, un événement hors du commun. Oh ouais. Oh ouais. Dans le quartier Saint-Roch. Il y a le salon de dégustation Station. Où l'on sert la bière de différentes façons. On y trouve même un Randall. Check it out. Alors là, j'imagine. Tu veux savoir ce qu'est un Randall? Va le mardi ou le mercredi à la barberie. Et tu verras ce système de service hyper sexy. Et si tu viens chez moi, je t'expliquerai c'est quoi une creamer. Quoi? Non merci? Tant pis. Les productions Groove Psychotique présentent le Chelsea Beat. À grands coups de garage, yéyé et freak beat, ces pionniers de la scène underground montréalaise viendront présenter leur premier album, Mesdames et Messieurs. Pour ouvrir le bal, le groupe Les Revenants, qui eux défendront leur album Bête Lumineuse avec des sonorités surf, rockabilly et western spaghetti. Ça se passe le samedi 30 novembre au bar coop L'Agité, 251 rue Dorchester, ouverture des portes 20h, spectacle 22h tapant, 10$ l'entrée. Livraison! Bonjour Alain! Madame le gouvernement, vous aussi vous utilisez la boîte? Comme tout le monde, je suis effrayée à l'idée de développer des relations interpersonnelles avec ma famille et mes amis. Je consomme des boîtes qui me permettent de me maintenir dans un paradis artificiel, à l'écart des ravages d'une éventuelle et douloureuse prise de conscience sociale. La boîte, du 19 au 30 novembre à premier acte. Billets en vente sur Billettech. Pour plus d'informations, premieracte.ca. Tout juste avant 100% Dynamite, le week-end s'amorce de belle façon dès 18h30 les vendredis avec Jean-Sébastien Grondin et son émission Soul Finger. Ça groove à CKRL 89.1. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur CKRL 89.1. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Et je vous rappelle d'ailleurs, si vous avez envie de voter pour vos émissions favorites et peut-être, qui sait, pour La Vie en BD, eh bien, c'est possible de le faire jusqu'au 22 novembre en se rendant sur le site du 89.1, donc ckrl.qc.ca. Et c'est, je crois, l'article qui est en page d'accueil. Il y a un petit tirage d'ailleurs d'un certificat cadeau chez Papote, Popote et Potin, si jamais la chose vous intéresse. Alors voilà, on ferme cette petite parenthèse et on réouvre notre grande parenthèse de l'émission de cette semaine autour donc de Mécanique Générale. Deux titres, on vient de parler de Love Apocalypse et on plonge dans un autre titre, Non-Aventure des planches à la première personne que nous offre Jimmy Beaulieu. Il est avec nous au bout du fil. Jimmy, bonjour. Bonjour Raymond, bonjour les auditeurs. Alors, Jimmy, en fait, dans Non-Aventure, on se lance à pieds joints dans le récit à saveur autobiographique, des rééditions de planches déjà publiées, des planches inédites. Qu'est-ce qui a mené un peu vers la mise en œuvre de ce projet-là? Qu'est-ce qui a mené un peu à Non-Aventure? Ben, c'est un peu parce que les deux livres autobiographiques qui se ressemblent, donc « Quelques pleurs et le moral des troupes » étaient épuisés. La question, est-ce qu'on les fait ensemble ou séparément? Puis pour moi, ça a toujours été un livre, tout ça. Puis je sais qu'il y avait aussi plusieurs histoires courtes que j'avais fait par la suite que je voulais mettre dans le même contexte. Donc, d'en faire un bon gros livre avec une dramaturgie un peu structurée, comme si c'était un livre et non un recueil de trois livres. Oui, j'ai l'impression en fait que regrouper ces histoires-là ont peut-être un peu plus de punch que séparer. En fait, ou du moins, ils gagnent en punch. Mais surtout avec la nouvelle conclusion que j'ai faite, j'essayais autant que possible de faire des rappels d'un peu tout ce qui a été dans le livre, d'utiliser un peu tout ce qui a été dans le livre pour arriver à un punch final. En tout cas, j'ai vraiment avec le dos de la cuillère, là, les feux d'artifice au sens propre et au figuré. Mm-hmm. Donc, mais c'est ça, je pense que en remettant tout ça en contexte, on voit aussi les liens qu'il y avait entre les deux bouquins plus clairement, aussi avec les petits discours qu'on s'est arrangé pour que ça coulisse le mieux possible d'un bouquin à l'autre. Et parallèlement, le fait, Jimmy, de revenir un peu en arrière sur des bouquins autobiographiques qui datent de 2004, d'un peu avant, d'un peu après, qu'est-ce que ça fait de replonger peut-être un peu dans son passé de bédéiste, mais dans son passé aussi d'individu, puisque c'est de l'autofiction, c'est de l'autobiographie, donc c'est un peu un double jeu avec un double regard en arrière aussi, j'ai l'impression. Ben c'est extrêmement émouvant, surtout les quartiers qui ont beaucoup changé, puis bien évidemment il y a des gens qui sont morts depuis. En le disant, on perd quelques membres de sa famille qui étaient dans ce bouquin-là. Donc moi, en fait, c'est ce que je peux dire, c'est que ça laisse vraiment des traces intéressantes, puis ils sont pas affectés. C'est-à-dire que quand j'ai décidé ma rue, mon ancien appartement, ma grand-mère, tout ça qui ont disparu, c'était pas tragique de la manière que je les dessinais. Tu sais, c'était au quotidien. Des traces assez investies émotionnellement, mais sans emphase, là, sans gros pathos. Là. Oui. Donc, c'est assez chouette de les retrouver. Puis, évidemment, un paquet de trucs que j'aurais oublié si je n'avais pas raconté aussi. En fait, c'est le côté quotidien, dans le fond, permet de se raccrocher un peu à ça, permet de replonger dans quelque chose qui est plus nostalgique, une nostalgie, mais une nostalgie positive aussi, d'une certaine façon. Pour oui, toi, ça, j'ai pas pris tant comme nostalgie, ça m'a pas fait rien, m'ennuyer de mon passé tant que ça. C'est peut-être l'aspect positif de ça. Donc. Oui, mais j'avoue, parce que quand on projette Non-Aventure, quand on le feuillette, il y a évidemment des joies, mais il y a des peines, il y a des angoisses, il y a des questionnements, la quête, réflexion sur le travail, réflexion sur l'amour, etc. Donc ça semble aussi être des moments quand même assez charnières que tu avais choisi à l'époque de mettre justement sur les planches de partager comme ça. Oui, puis le truc, c'est que je faisais une réflexion sur mon travail. Je parle de mes ambitions en tant qu'auteur de bande dessinée, tout ça, puis je fais ça sur 10 ans. Mais là, il y a tout un portrait macro qui s'est fait sans que je m'en rende compte. Tu sais, c'est de l'espoir que ça. Je sais, mais là, je suis un peu fatigué. Tu sais, il y a vraiment une courbe qui s'est dessinée dans plusieurs arcs dramatiques, disons, là, l'histoire avec ma mère, l'histoire avec ma blonde, tout ça, comment je l'ai rencontré, comment j'ai été rencontré l'âme sœur. Donc, c'est vraiment des choses que j'ai racontées dans les détails, mais qui ont pris un tout autre sens une fois qu'ils étaient jumelés. Et tout ça toujours aussi teinté un peu justement de ton obsession ou de ta passion, ou en fait on peut y accoler un peu le terme que tu souhaites qu'on y accole, mais autour justement de l'image de la femme, du corps, du regard, et on le voit aussi bien autant à travers le dessin qu'autant à travers les propos, la réflexion que ça t'amène à avoir sur toi, sur elle. C'est drôle parce qu'on voit qu'au début, je pensais que c'est parce que j'avais pas de blonde, mais en fait, c'est resté. Donc, ça dépasse vraiment le truc de la solitude, de combler la solitude. C'est vraiment une question beaucoup plus abstraite. Je sais pas quel rapport avec la mort et la dépression. Je sais pas trop. En tout cas, c'est une autre équation que juste essayer de combler sa solitude comme je le pensais, parce que c'est resté alors que je suis plus du tout une personne seule. Mm-hmm. Et justement, ça vient aussi, on reconnaît un peu justement les éléments qui teintent les autres albums, en fait ceux qui sont non autobiographiques, si on peut dire. Donc ça nous permet en tant que lecteur peut-être de placer enfin un contexte où l'autofiction nous permet un peu de découvrir l'auteur autour justement du reste de tes travaux, de tes réalisations, que ce soit sur papier, sur blog ou ailleurs. Oui. C'était vraiment une recontextualisation. Il y a bien du monde qui pense que mes fictions, c'est des livres autobiographiques, puis que mes livres autobiographiques, j'en fais de la fiction, mais non, vraiment, les livres de fiction, c'est à peu près essentiellement imaginatif. Je dirais à 80%, parce que ça ne l'est jamais vraiment complètement. Mais dans le cas de l'autobiographie, le gars des vues. Si, si je raconte quelque chose, c'est que ça m'est arrivé. Ou, en tout cas, j'ai vraiment ce souci-là, cette espèce d'éthique-là, hygiène-là, de pas ajouter, en tout cas, de l'effet. Et parallèlement, Jimmy, j'ai l'impression qu'on découvre cet automne à travers justement deux registres et deux genres, avec À la mauvaise tête, en fait, Le potager de Vic et Flo, qui est oui. inspiré, qui est lié, en fait, avec le film de Denis Côté. Et là où, dans le fond, t'as relevé un peu le défi de capter à travers la BD l'univers visuel, l'univers narratif de quelqu'un d'autre. Oui, ben t'as raison que c'était un défi, c'était un exercice de style. En même temps, ça s'inscrivait assez bien dans tout ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire c'est quand même ça, puis même comme une sentimentale pornographique, tu sais, c'est la fille, elle se pousse dans la nature, puis elle veut qu'on lui foute la paix, donc c'est un peu la prémisse de comme une sentimentale aussi. Donc il y avait énormément de points en commun avec ce que je fais, donc c'est peut-être ce qui, au-delà de ça, travailler avec c'est surtout le style, la forme de Denis Côté, c'est-à-dire que je me suis aperçu que mes personnages surjouaient souvent dans mes dessins, donc surtout avec ces acteurs, ces actrices qui sont que j'enlève, que je rabote un peu les coins de sourire de mes personnages, où il y avait toujours un petit peu trop d'expression. C'était vraiment fascinant comme exercice de style. Je trouve intéressant l'idée justement du registre émotif, parce qu'en même temps, en tant qu'auteur, comme tu dis, t'as des personnages qui sont qui vivent beaucoup d'émotions, qu'on sent ces émotions-là. Et là, subitement, on se retrouve dans un univers où c'est des personnages qui ont quand même une capacité d'empathie qui est peut-être moindre que celle auxquelles tu nous as habitués dans tes autres volumes. Donc, narrativement même, est-ce que toi, ça vient un peu changer tes repères, changer ton approche narrative, en disant ok, j'ai plus accès à ça. Là, ils ont beaucoup moins d'empathie, ils ont beaucoup moins de registre émotionnel aussi, ou différent, là, du moins. Oui, parce que moi, je pense que les personnages que je dessine dans le bouquin sont un petit peu plus... Il y a un petit peu plus de tendresse déjà que dans le film, parce que je suis incapable de m'en empêcher, mais c'est ma manière de personnage, c'est de les rendre attachants, de les faire faire des jokes, des choses comme ça, tandis que Côté, il évite tous ces... toutes ces facilités-là, disons. Donc, pour moi, j'ai vraiment eu du mal à m'en passer, mais j'ai essayé. Donc, mais c'est quand même une belle manière. Oui. Et arriver de certains outils, de certains tics que tu as, ça te pousse quand même à en prendre conscience et à t'améliorer aussi, je pense. Et dans l'attaque, on parlait donc de l'univers de Côté narratif visuel. Est-ce que pour travailler à partir d'un film comme ça, on le regarde jusqu'à plus soif pour vraiment se l'approprier, ou est-ce qu'on essaie de faire une certaine distance? Comment on aborde le travail? Ben, j'ai été obligé de le regarder beaucoup, ne serait-ce que pour... J'ai décidé de respecter autant que possible les corps et la diégèse. Le corps aussi, c'est que je voulais pas dessiner... mes pitounes normales, je voulais vraiment dessiner ce qui ressemble le plus possible au corps de Pierrette Robitaille, mais avec aussi la même admiration, je pense, que je peux dessiner mes petites guidounes de 20 ans. Donc, il y avait vraiment... Je voulais que le travail sur le corps et l'espace qu'il y a dans le film, qui font la qualité du film, se retrouve un petit peu dans le bouquin, en tout cas, autant que possible. Et donc ça, la résultante, je le rappelle, on le trouve à La mauvaise tête, c'est Le potager de Vic et Flo. Évidemment aussi Non-Aventure, planche à la première personne, donc chez Mécanique Générale. Et sinon, Jimmy Beaulieu, en terminant, d'autres projets à venir, à surveiller? Là, justement, je me plais à me dire que j'ai rien de précis sur la table, mais comme une sentimentale pornographie, en tout cas, mais... Comme là, je viens de finir, je vais essayer de me donner décembre pour choisir lequel des projets que j'ai envie de faire, qui sera le premier sur la liste. Alors, ben, on continue de suivre tout ça. Jimmy Beaulieu, merci. Et nous, on repart maintenant en musique. Dernier petit extrait de Punk Goes 8-Bit Level 2. On écoute un extrait de Bad Religion. Et voilà, toujours à la vie en BD. D'ailleurs, on vous invite, si vous le souhaitez, à nous suivre sur Facebook, facebook.com/lavieenBD. Et pour terminer l'émission de cette semaine, on a le plaisir d'être en compagnie de notre collaborateur, Stéphane Gravel. Bonjour. Allô, allô, allô. Ah, mais c'est quoi ça? Ça, c'est punk rose. Tu mets ta musique de fou, c'est quoi? Toujours. La musique 8-bit. OK. Voilà. Et Stéphane... Je me suis senti comme si j'étais en train de courir après une petite fraise. Stéphane, en fait, j'ai l'impression que tu as reçu la même armoire par la poste que moi dans les dernières semaines. En fait, j'ai envie de te donner tout de suite mes couleurs là-dessus. En fait, le superbe Paul à la campagne, édition 15e anniversaire, coloré, etc. Je nous lancerais peut-être un peu là-dessus pour commencer ton intervention. Non, mais est-ce qu'on les veut tous comme ça? Oui, vraiment. Est-ce qu'on veut lire toutes les pales grand format comme ça? C'est extraordinaire, écoute. C'est sûr, c'est le premier pal, on l'a lu depuis, on l'avait lu depuis quand même un bout de temps, mais j'ai eu l'impression, je sais pas si toi ça t'a fait le même effet, j'ai eu l'impression que je lisais complètement une nouvelle BD. Mais en fait, l'ambiance change, en fait, la couleur, mais pas négativement. Au contraire, j'ai trouvé que ça ajoutait, en fait, ça faisait pas gadget. Ben, j'ai toujours trouvé que Paul était fort, était une BD qui était forte en noir et blanc, mm-hmm. qu'on voyait le style du trait, le côté très graphique de Rabagliati. Là, on sent le côté graphiste, justement, là-dedans. Mais moi, j'ai trouvé que la couleur enlevait absolument rien. C'est niaiseux de dire ça comme ça. La couleur n'enlève rien. Mais ceux qui sont un peu maniaques comprennent, là. Mais je trouve que la couleur, elle est très belle. Elle est très sobre. Puis j'ai lu une BD magnifique. Puis le format, il compte pour beaucoup. Hein. Mm-hmm. C'est un peu comme... c'est presque le double d'une BD conventionnelle, là, peut-être qu'il y avait, je sais pas, un tiers de plus. C'est comme un petit peu lire une BD IMAX, là, c'est-à-dire ouais. que quand on a la tête dedans, c'est plus difficile pour notre regard de fuir à l'extérieur de la case, de la grande case qui est la double page. Oui, en fait, il est pas nécessairement facile à tenir. Il est massif, mais on gagne. Et j'ai l'impression même que le fait justement d'avoir dépassé le format habituel, ça nous fait prendre compte. Tu parlais des éléments graphiques, de la qualité du dessin, de la qualité des compositions. Ben, j'ai l'impression qu'on les saisit encore plus en voyant ça justement à grande échelle comme ça. Écoute, moi j'aime ça. C'est souvent la d'ailleurs, c'est souvent la grandeur sur laquelle ou avec laquelle les auteurs travaillent. Les auteurs travaillent souvent des formats beaucoup plus grands que ceux qu'on a l'habitude de voir en album. Puis je trouve à quelque part que oui, c'est difficile à ranger dans une bibliothèque. Oui, ça se traîne pas dans un sac, mais je trouve que ça rend tellement la BD comme elle est, c'est-à-dire je trouve ça plus près de l'auteur. Mmh. Et je trouve que c'est une réussite et c'est un coup de génie de la part de la maison d'édition d'avoir fait ça, là, parce que ça fait changement, quoi. Non, ça, j'avais eu une petite crainte quand j'avais vu que c'était annoncé, et on dirait quand je l'ai reçu, quand j'ai vu, et ne serait-ce que juste regarder la couverture, c'est comme, ah mon Dieu, c'est donc ben un beau livre, un bel ouvrage. Ben oui, juste toucher à la couverture. C'est comme, oui. Ces petits embossés-là sont, je veux dire, une petite texture, c'est génial. Puis, c'est pas une BD qui est extrêmement chère, hein. C'est 35$, ça vaut bien plus que ça. La qualité du papier, la qualité de l'impression, la qualité de la reliure, vraiment, je trouve que, à quelque part, les éditions Pastèque font un cadeau, font un cadeau à leurs fans et font aussi un cadeau aux fans de Paul, mais moi, je rêve de voir les quoi 6 ou 7 pôles un à côté de l'autre, grand format comme ça, à côté de mes blés comme Mortimer. Effectivement. Alors, on lance l'idée aux gens de la Pastèque s'ils nous écoutent. Et je le mentionne, donc c'est pas à la campagne, 15e anniversaire, c'est chez la Pastèque. On passe à un autre titre de ta liste, Palmer en Bretagne. Écoute, Jack Palmer, c'est un personnage extrêmement fascinant que j'ai toujours trouvé très particulier. C'est l'espèce de détective au chapeau mou qui ressemble quasiment à une pieuvre sur sa tête. Là, c'est dessiné par, il est scénarisé par Pétillon, c'est chez Dargo, et c'est un détective privé, Jack Palmer, qui se trouve dans différentes aventures, mais c'est un il est un petit peu dans la lignée des Gaston Lagaffe, si on veut. C'est lui aussi un anti-héros. Et là, en Bretagne, vraiment, il est plus qu'anti-héros, il est anti... Il se passe rien avec lui. Il est capable de, il est pas capable de rien faire. C'est, il est là pour faire, pour protéger un personnage. Il est engagé comme garde du corps plus que comme détective cette fois-ci. Mm-hmm. Et il se ramasse sur une île en Bretagne. Et puis, il s'en va faire de l'observation sur une roche. Il est pris par la marée, pauvre con. Et il va passer la durée de l'aventure sur sa roche, pris à la marée, pendant que tout se passe en dehors de lui, partout. Puis il n'arrête pas de demander aux gens, est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je pourrais vous aider à faire quelque chose? Mais il n'est jamais en disposition pour aider. C'est le anti-héros parfait. Cette aventure-là est très, très, très, très drôle. Bon, c'est très français. C'est-à-dire que Pétillon amène énormément de notions d'actualité, de notions politiques. J'ai l'impression qu'il faut il faut parfois peut-être lire le magazine Marianne ou être un petit peu plus accroché à l'actualité l'actualité française pour comprendre certains gags qui peut-être ont passé à côté pour moi là, mais l'essentiel reste que c'est une bande dessinée humoristique de situation qui est très drôle, qui est très intelligente, et c'est dans le scénario et dans l'absence de d'être capable de procéder du personnage principal que ça devient intéressant. Écoute, moi, je ris quand je lis ça à chaque coup. Il y en avait un autre qui se passait en Corse il y a une couple d'années, et c'était aussi drôle. C'est comme si on lisait, mais là, je vais faire une drôle de comparaison qui est boiteuse et qui fonctionne pas pantoute, mais qui suggère quelque chose. C'est un peu comme quand on lisait les Astérix à l'époque, où il y avait vraiment des caractères au niveau de la politique, au niveau de la géographie, au niveau de ce qu'on s'attend de certaines régions. Je trouve que Pétillon va faire avec son Jack Palmer un petit peu ça, là. Quand il va en Bretagne, on tombe dans les clichés. On n'a pas peur. On les assume. On n'a pas peur d'assumer les clichés. Mm-hmm. On est dans les crêpes au beurre mur à mur. On est dans les Kounamen. On est avec on est avec la pluie, avec la marée montante. Il joue avec ça, mais c'est pas. C'est drôlement con, mais c'est pas nécessairement con et drôle. Oui, oui. Donc c'est intelligent, c'est réfléchi, c'est pesé, et c'est presque hilarant, je te dirais. Alors Jack Palmer en Bretagne. Ah, il faut découvrir ce personnage-là, c'est fantastique. Et Stéphane, il nous reste à peu près une petite minute vingt. Veux-tu dire un ou deux mots sur la Galerie des Illustres? Écoute, c'est... Je me suis payé cet album-là avec en réfléchissant énormément à de dépenser le prix qu'il coûte. Là, ça reste un album qui est autour de qui arrive autour de 80$. C'est dans la série des albums qui sortent pour l'anniversaire, les 75 ans d'anniversaire de Spirou. Mm-hmm. Mais écoute, c'est 200 auteurs de bandes dessinées qui vont dessiner une ou deux pages en hommage à Spirou, et c'est extraordinaire. C'est-à-dire que chaque page dessinée est appuyée d'une petite conversation avec l'auteur. Donc c'est plus qu'une BD, c'est un dictionnaire des 200 auteurs qui font la BD aujourd'hui dans le journal Spirou. J'avais peur que ça soit un peu qu'on me vende. Tu sais, des fois, on a l'impression que dans des ouvrages comme ça, on va nous vendre un peu une pub, mm-hmm. là. On va nous vendre une BD, entre guillemets, corpo. Mais non, c'est un dictionnaire, à quelque part, que j'ai entre les mains. Puis je découvre, je vois des auteurs qui font des hommages qui sont extraordinaires. Je lis des auteurs que je connais pas vraiment et que je découvre. Donc, je trouve que c'est un livre là qui est à côté de mon lit, avec lequel je m'amuse à lire et à relire, parce que parfois, on lit la page de droite qui est une BD. L'autre coup, on va lire la page de gauche qui est l'espèce de conversation, biographie de l'auteur. Donc, c'est un album qui est extraordinaire pour tous ceux qui ont lu et qui lisent le journal Spirou et qui aiment le journal Spirou. Alors, ça s'appelle la Galerie des Illustres. Je t'arrête là parce que le temps s'est écoulé. c'est un mausolée de personnes pas mortes. Stéphane Gravel, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Salut bien. Salut. Alors voilà donc Stéphane Gravel et ses commentaires BD. Et nous, c'est ainsi qu'on termine l'émission de cette semaine. La semaine prochaine, on est en direct du CLAP pour les sommets du cinéma d'animation de Québec, donc de 17h30 à 19h. Alors soyez avec nous. La semaine prochaine, c'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous pour cette édition de La Vie en BD.